Bonjour Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Qu'est-ce que la design analyse? La rencontre entre la recherche psychiatrique, qui souhaite dépasser l'approche purement scientifique de ses patients, et la philosophie de Heidegger, l'auteur du concept intraduisible qui porte le doux nom de design, dont la sonorité déjà effraie. Quand la psychanalyse encourage à dire, la design analyse, elle, souhaite voir. Mais comment cette rencontre incongrue entre Heidegger et la psychiatrie a-t-elle eu lieu? Le philosophe et psychiatre Camille Abétan aura 50 minutes pour vous répondre, juste après quelques secondes de Keith Moon, le batteur déjanté des Who, qui chante la folie du renard qui vous regarde droit dans les yeux. Bonjour Camille Abétan. Bonjour. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Vous êtes en duplex depuis Montpellier, où vous travaillez. Vous êtes philosophe, chercheur associé à l'Université Paul Valéry, à l'unité de recherche du Centre de recherche interdisciplinaire en sciences humaines et sociales. L'acronyme donne CRISE au pluriel, ça va bien avec notre semaine. Et vous êtes également psychiatre au service urgence et post-urgence psychiatrique du CHU de Montpellier. Et vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « Phénoménologie et psychiatrie, Heidegger, Binswanger, Maldinet » aux éditions Vrin. Je le disais en tout début d'émission, ça peut paraître un peu surprenant, la philosophie phénoménologique et la psychiatrie se sont vraiment rencontrées et ont produit un nouveau courant d'analyse, c'est ça ? Oui, alors cette rencontre, en fait, elle procède plus des psychiatres, hein. C'est pas étonnant de se dire finalement que la philosophie s'intéresse à peu près tout, hein. C'est ce que disait Georges Canguilhem, hein. C'est une discipline pour laquelle toute matière étrangère est bonne et toute bonne matière est étrangère. Donc finalement, pourquoi pas s'intéresser à la psychiatrie de la part des philosophes? Mais en réalité, c'est au départ en tout cas, parce que ça a changé ensuite, au départ ce sont des psychiatres qui ont découvert les œuvres de Husserl puis de Heidegger et qui se sont dit qu'il y avait là quelque chose de très intéressant pour la psychiatrie. Pour comprendre cette démarche, il faut peut-être préciser les différentes approches psychiatriques. On en a un peu parlé cette semaine. Il y a une manière de concevoir la psychiatrie comme étant indexée quasiment exclusivement sur la science et sur la recherche, et qui tient les maladies de l'esprit comme des maladies simplement, entre guillemets, nerveuses ou neurologiques. C'est une approche, disons, anatomiste quasiment de la psychiatrie. Puis il y a une autre approche qui est plus proche de la psychanalyse, qui pense que les maladies dites psychiatriques sont nommables par le discours et que une approche langagière peut permettre de prendre en charge cette maladie. En fait, l'analyse dont nous parlons là, c'est une troisième voie, non ? Oui, en fait, je pense qu'il y a même beaucoup plus que trois voies. En réalité, la psychiatrie, elle est confrontée à des choses déroutantes et chacun essaye de comprendre quelque chose à ce qui, au premier abord, est difficilement compréhensible. Alors, certains essayent de rattacher ce qu'ils voient à des hypothèses neurologiques ou biologiques. C'est vrai que c'est le courant dominant actuellement. Et d'autres essayent de comprendre ce qu'ils voient ou ce à quoi ils sont confrontés en se référant à d'autres idées qui peuvent venir des sciences humaines et qui sont diverses, hein. Et alors aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup se rattachent à des hypothèses biologiques ou neurologiques ou anatomiques, comme vous avez dit, et c'était déjà le cas en fait au début du XXe, où finalement, pour beaucoup de psychiatres, notamment universitaires de l'époque, comme disait Griesinger, hein, les maladies psychiatriques sont des maladies du cerveau. Donc on cherchait l'origine, la cause de ces maladies dans le cerveau, par la dissection, etc. Et c'est en réaction à ça que justement certains psychiatres se sont dit en tout cas que ce n'était pas suffisant ou que ça ne donnait pas assez de clés pour comprendre ce à quoi étaient confrontés les psychiatres. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'ils se sont intéressés aux écrits de Husserl et de Heidegger. Alors vous dites les psychiatres, de qui parlez-vous ? Bon, il y en a eu plusieurs, en fait. C'est vrai que Souvent, on en évoque Binswanger parce que c'est la figure tutélaire de ce rapprochement et c'est un de ceux qui a le plus œuvré à ça. Mais il y en a eu beaucoup. Un des premiers, par exemple, ça a été Karl Jaspers, qui au tout début du XXe siècle a amené l'idée qu'il pouvait être intéressant de s'intéresser à la phénoménologie. Parce que à l'époque, c'est vrai que la psychiatrie était indexée sur un modèle ultra médical, et au fond, les psychiatres considéraient que les sciences humaines, ça n'avait aucun intérêt pour la psychiatrie. Mmh. Et Jaspers a été un des premiers à défendre l'idée que s'intéresser aux sciences humaines, ça pouvait être intéressant aussi. Donc, il s'agissait pas d'un intérêt exclusif. Il fallait pas choisir entre les deux, mais l'idée, c'était que s'intéresser aux sciences humaines, ça pouvait être aussi intéressant pour la psychiatrie, et en particulier s'intéresser à la phénoménologie. Alors voilà, pourquoi la phénoménologie en particulier ? Alors pourquoi ? Parce que l'idée de base, par exemple chez Binswanger, eh bien, c'était que au fond, ce à quoi avait affaire la psychiatrie et le psychiatre, c'était le vécu, le psychisme et le vécu. Et donc, pour être un bon psychiatre, il fallait essayer de comprendre ou d'accéder à l'expérience vécue par les malades psychiatriques. Et il lui paraissait que la philosophie de Husserl avait cette ambition-là et qu'elle permettait de se rapprocher du vécu, justement, qu'elle permettait de mieux décrire et mieux comprendre ce que vivaient les malades psychiatriques. Et donc, c'est pour ça qu'il s'est tourné au départ vers la phénoménologie de Husserl. Il avait aussi l'impression que, parce que bon, l'entreprise de Husserl, c'était une entreprise qui visait à refonder les connaissances sur des bases solides. Ça, c'était d'ailleurs une ambition de beaucoup de philosophes à cette époque-là, qui est un peu disparu, mais... Et donc, les sciences essayaient de fonder leurs concepts, c'était aussi l'époque du cercle de Vienne, etc. Et la psychiatrie, elle, eh bien, reposait sur des bases conceptuelles un peu floues. Et donc, Binswanger, faisant ce constat et trouvant que la psychiatrie reposait vraiment sur des bases peu sûres, avait l'impression que les concepts de Husserl étaient suffisamment robustes, solides, précis, pour fournir cette fondation du savoir psychiatrique qu'il recherchait, lui et d'autres à l'époque. Dans un ouvrage de Binswanger qui s'appelle « Phénoménologie, psychologie et psychiatrie » que vous avez traduit, Camille Abétan, on trouve ceci qui peut-être peut nous éclairer. Il écrit « Si le mot de phénoménologie ne peut pas être ici expliqué davantage, on peut cependant dire qu'il s'agit en phénoménologie, non pas d'une accumulation de simples faits, ni de clés, d'hypothèses, de théories, etc. issues de ces faits, mais une absorption patiente et vivante dans un fait singulier jusqu'à saisir et fixer son essence phénoménale authentique et ses connexions d'essence. En d'autres termes, jusqu'à saisir la façon dont il se fait en question, serait-il de nature psychique, corporelle ou spirituelle, comme Heidegger dit, se montre à partir de lui-même. Ainsi, rien ne sera ni déduit, ni construit, ni encore moins théorisé, mais seulement vu. Ce seulement s'est cependant avéré éminemment positif pour la plupart des sciences. » Le texte continue, on y reviendra sans doute, Camille Abétan, mais la démarche est ici clairement énoncée. Il ne s'agit pas de déduire, de construire, de théoriser, mais de voir. C'est étonnant. Pourquoi insister sur cette approche qui consiste à voir et non pas essayer d'expliquer ou de comprendre ? Eh bien, ça, c'est un héritage vraiment de Husserl. En fait, Binswanger ne fait que reprendre l'ambition et le propos de Husserl et l'applique de façon très programmatique, d'ailleurs, parce qu'il n'est pas du tout sûr qu'il ait finalement réussi à faire le programme qui s'est fixé. Mais, en fait, c'est Husserl qui, dès les années fin du 19e, tout début du 20e, énonce cet adage, notamment dans les recherches logiques, où il dit qu'il faut revenir aux choses mêmes. C'est-à-dire que souvent, on a tendance à avoir des thèses ou à faire des hypothèses, mais en réalité, ces hypothèses, elles impliquent un certain nombre de présupposés ou d'hypothèses métaphysiques, au fond, qui sont invérifiables. Or, et donc, évidemment, ça ne rend pas très solide le savoir. Or, l'ambition de Husserl, justement, c'est de dire, un peu comme Descartes, chaque chose égale par ailleurs, eh bien, on ne va l'énoncer que parce qu'on y a été vraiment confronté, donc on va revenir aux choses elles-mêmes, et pas à des élucubrations métaphysiques invérifiables qui, en fait, sont coupées des choses telles qu'elles se présentent à nous. Et donc, le critère de la connaissance, ça va être la chose telle qu'elle est vue, telle qu'elle se présente à nous. Ça, ce privilège accordé au visible, hein, la chose telle qu'elle est vue, c'est très husserlien. Ensuite, dans la phénoménologie, ça va être beaucoup remis en question, notamment par exemple avec Heidegger. C'est une prétention qu'on ne retrouve pas chez Heidegger. Mais ça, c'est très husserlien. Ça, c'est le programme de Husserl. Et en fait, dans le texte que vous avez lu, Mies Langer dit « Voilà le programme de Husserl, ça paraît très intéressant, eh bien on va essayer de l'appliquer à la psychiatrie. » Et qu'est-ce que ça donne d'appliquer la vision à la psychiatrie ? Ah bah alors, il y a eu différentes évolutions. C'est vrai qu'au départ, tout ça, c'est un programme. Hein, se dire, voilà, on va essayer de... pareil, le lien avec l'essence, hein, c'est quelque chose qu'on retrouve chez Husserl, parce que, au fond, accéder à l'essence des choses, vous voyez, c'est fonder la connaissance sur une base certaine. Une essence, c'est quelque chose d'universel, d'intangible, d'intemporel. Et donc, ça vous permet d'avoir accès à une connaissance d'ordre absolu. Donc, quand vous voulez fonder un savoir, eh bien, c'est une bonne ambition que d'avoir celle d'atteindre les essences. Donc l'ambition au départ, c'était de décrire des essences, psychiques ou l'essence des concepts et la façon dont ces essences étaient modifiées chez les malades. Mais en réalité, c'est très difficile, hein, c'est même peut-être impossible, ne serait-ce que parce qu'au fond, l'expérience vécue par les malades, au fond, on n'y a jamais accès. Donc on peut peut-être essayer de faire des hypothèses sur ce qu'ils peuvent vivre, etc., mais on n'y a jamais accès. Donc d'ailleurs, c'est pour ça, Husserl, lui était mathématicien et ses analyses, elles tournent autour de la logique, donc elles sont volontiers abstraites. Et donc quand on s'intéresse à la psychiatrie, qui décrit des choses très concrètes, on a du mal pour appliquer des choses abstraites à la psychiatrie. Donc c'est en partie probablement ce qui explique le fait que ensuite découvrant Heidegger, eh bien Binswanger est plutôt puisé à la source heideggerienne, parce que là chez Heidegger, notamment dans les traitants, il y a des analyses extrêmement concrètes de certains comportements humains et de ce qu'il appelle le mode d'être de l'homme, enfin de l'existence. Et donc évidemment là c'est beaucoup plus parlant pour les psychiatres, donc c'est probablement en partie pour ça qu'ensuite finalement Binswanger a migré de Husserl vers Heidegger. Et on va nous-mêmes migrer vers Heidegger dans un instant. D'abord, vous avez dit que la méthode phénoménologique consistait à essayer de saisir l'essence des choses à partir de ce qu'on voyait d'elles, des choses elles-mêmes à partir de la vue. Dans quelle mesure est-ce que les psychiatres partagent ce même souci de l'essence ? On sait qu'en philosophie, il s'agit d'essayer de savoir ce qu'est l'être des choses, ce qu'est l'essence des choses. Selon les interlocuteurs en philosophie, certains ne pensent pas qu'on puisse accéder à l'essence des choses. Mais pour un psychiatre, qu'est-ce que ça veut dire essayer d'accéder à l'essence de la maladie ? Est-ce que c'est une manière de dire qu'on ne peut jamais vraiment définir, savoir de quoi le malade souffre ? C'est une manière de tourner le dos à l'approche vraiment scientifique où on pense que une IRM peut montrer exactement de quoi souffre le patient ? Ou est-ce que c'est vraiment un souci philosophique de s'interroger sur l'essence d'une maladie ? Eh bien, en fait, je crois que c'est justement pas très clair. C'était, je vous dis, un peu par décalque que Binswanger avait cette ambition-là, mais on n'a jamais très bien compris ce que pouvait être l'essence d'une maladie. En tout cas, moi, je l'ai jamais très bien compris. Bon, vous me rassurez. Et lui-même, probablement, non plus, parce que, finalement, cette question-là, c'est une de ses questions initiales, mais il l'abandonne, en réalité, progressivement, quoi. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire d'écrire l'essence d'une maladie ? C'est un petit peu obscur. Donc c'est pour ça qu'il va convoquer ensuite le concept d'Heidegger, le Dasein, concept que l'on ne traduit pas aujourd'hui dans les traductions françaises d'Heidegger. Je vous propose qu'on écoute le texte d'Heidegger qui définit le Dasein. Alors dans la traduction qui est disponible en France, aujourd'hui celle de François Vézin, c'est un texte qui est difficile et on le diffuse à dessein pour qu'on entende la difficulté de cette langue, mais aussi la définition qu'il propose du Dasein. Et vous nous direz ensuite, Camille Abétan, en quel sens ce qu'il dit là du Dasein va être particulièrement utile et ressaisi par Binswanger. Si la question de l'être doit être expressément posée, et si elle doit, en se posant, être pleinement lucide sur elle-même, alors il découle des éclaircissements donnés jusqu'à maintenant qu'une élaboration de cette question exige que soit expliquée la manière de regarder dans la direction de l'être, d'entendre et de saisir conceptuellement son sens. Elle exige que soit ménagée la possibilité de bien choisir les temps pris pour exemple. Elle réclame tout le travail requis pour frayer l'accès menant spécialement à cet étang. Regarder vers, entendre et concevoir, choisir, accéder à, sont des comportements constitutifs du questionnement, en même temps que des modes d'être d'un étang bien précis, cet étang que nous, les questionnants, sommes chaque fois nous-mêmes. Qui dit élaboration de la question de l'être, dit par conséquent qu'un étant, celui qui questionne, se rend transparent à lui-même en son être. Cet étant que nous sommes chaque fois nous-mêmes et qui a, entre autres, possibilité d'être celle de questionner, nous lui faisons place dans notre terminologie sous le nom de Dasein. France Culture, les chemins de la philosophie, un texte de Heidegger, la définition du Dasein, hein, cet étant que nous sommes chaque fois nous-mêmes et qui a entre autres possibilité celle de questionner. Eh bien, c'est ce que Heidegger appelle le Dasein, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, hein, nous réfléchissons et nous questionnons cette pratique de la Daseinsanalyse. C'est ainsi qu'elle se baptise, en compagnie du philosophe et psychiatre Camille Abétan, qui est avec nous en duplex depuis Montpellier. Aidez-nous, Camille Abétan, ce texte est difficile et en plus le mot de Dasein est difficilement compréhensible. Comment est-ce qu'il a pu être utile pour Binswanger dans sa pratique psychiatrique? Alors, c'est vrai que le texte qu'on vient d'entendre, il est extrêmement abstrait, on pourrait même dire abscond, et en plus les traductions en français alourdissent, alors ça rend le texte encore plus abscond. Bon, en fait, le dialogue Heidegger-Binswanger, c'est une sorte de malentendu. Heidegger lui-même a très peu écrit sur la psychiatrie, en fait il s'y est peu intéressé, même si pendant une dizaine d'années il a donné des séminaires en Suisse pour des psychiatres, mais lui-même dans ses séminaires reconnaît qu'il y ait peu question finalement de psychiatrie. Mais en fait, la question de Heidegger, c'est ce qu'il appelle la question de l'être, mais cette question de l'être, disons, on ne peut pas l'aborder directement, et donc il faut d'abord, au préalable, s'intéresser à un étant particulier qui peut poser, lui, la question de l'être, et c'est pour ça qu'il s'intéresse à l'homme. Mais en fait, il ne veut pas parler de l'homme parce qu'il dit qu'on l'a longtemps mécompris. Donc, pour marquer le fait que lui n'entend pas aborder l'homme de la même façon que l'histoire de la philosophie l'a abordé, il en change le terme et il prend le terme de Dasein. Mais en fait, le Dasein, trivialement parlant, c'est l'homme, sauf qu'il est abordé d'une certaine façon. Et souvent, quand on veut le traduire, on le traduit. Alors, Sartre, par exemple, à cette époque-là, on traduisait par réalité humaine. Vous voyez, lui, il parle de réalité humaine. Et ensuite, on a pris l'habitude de le traduire par existant. Donc, vous voyez, finalement, le Dasein ou l'existant, bon, c'est pas vraiment l'intérêt, enfin, c'est pas le centre d'intérêt de Heidegger. Lui, c'est la question de l'être. Par contre, c'est le centre d'intérêt de Binswanger. Donc, Binswanger va faire une lecture très anthropologique, de être étant, lecture anthropologique que va lui reprocher d'ailleurs Heidegger en faisant valoir qu'au fond, Binswanger n'a rien compris à être étant. Mais ce qui intéresse Binswanger dans Être étant, c'est pas des aspects très abstraits, comme on vient de l'entendre. C'est au contraire des aspects très concrets. Par exemple, les paragraphes de Être étant où Heidegger décrit le rapport qu'on a à l'espace et le fait que, de façon totalement contre-intuitive, c'est un exemple. Eh bien, ce qui est physiquement le plus proche de nous est en réalité le plus lointain, et ce qui est le plus lointain est le plus proche. Très trivialement, le plus proche de nous, ça va être ma chemise, vous voyez, donc ça c'est extrêmement proche de moi. Pourtant, je n'y accorde en général, enfin tout au long de la journée, aucune importance, donc je n'y pense pas, donc en fait c'est très éloigné. Par contre, ce que je vois là-bas, vous voyez, ce qui est à l'horizon, et ce sur quoi mon regard est toujours dirigé, eh bien j'y porte une attention constante. Donc finalement, on voit que l'attention, elle se porte le plus souvent à ce qui est loin, et pas du tout à ce qui est très près de nous. Loin géographiquement parlant, tendance, vous dites. Voilà, exactement. Mmh. Alors que c'est contre-intuitif. Mmh. Et on a tendance à rapprocher, disons que ce qui est loin, vous voyez, on y accorde une attention, et en fait on est relié, on porte son attention sur des choses éloignées, et donc on rapproche, on annule la distance qui existe entre la chose au loin et moi. C'est ce que Heidegger décrit comme un processus de déséloignement, je déséloigne. Et ça intéresse beaucoup Binswanger, par exemple, dans une de ses premières études, oui, qui s'appelle Sur la fuite des idées. Il montre que chez le malade maniaque, donc la manie, bon, c'est une pathologie psychiatrique, eh bien, l'espace se resserre parce que le malade, justement, va radicaliser ce processus de déséloignement, et tout ce qui est très loin, il a l'impression que c'est très près, qu'il peut y accéder. Donc finalement, vous voyez, c'est un exemple pratico-pratique de ce à quoi peut aboutir le fait de s'intéresser à Heidegger en psychiatrie. On a du mal à comprendre les comportements du maniaque. Eh bien, quand on a lu Heidegger, on les comprend d'une façon nouvelle, comme la radicalisation d'un processus qui est à l'œuvre chez tout le monde, mais qui là, voilà, est radicalisé, si vous voulez. Mais précisément, vous le dites bien, ce que Heidegger décrit est un processus qui est peut-être à l'œuvre chez tout le monde, mais qui n'est pas présenté comme une pathologie. Donc en fait, est-ce que l'utilisation que Binswanger fait de cette réflexion de Heidegger est une manière de montrer que ce que nous appelons malade est en fait constitutif de notre manière d'être au monde ? Oui, alors c'est la question de la norme dans la phénoménologie psychiatrique, elle est très compliquée, enfin elle est plutôt compliquée, oui. Mais effectivement, une de ses ambitions, c'est de montrer qu'il n'y a pas de frontière très nette entre les comportements du malade et ceux de l'homme sain, et que bien il faut comprendre l'être au monde, comme dit Binswanger, du malade de la même façon que celui de l'homme sain. Et donc c'est à partir de là qu'il va montrer comment cette lecture de Heidegger va pouvoir être utile dans sa pratique de psychiatre. Comment passe-t-il de la réflexion théorique, dont on peut bien comprendre l'intérêt pour un psychiatre de réfléchir sur ce qu'est l'homme qui se loge en chaque patient dont il s'occupe, à la pratique? Est-ce que lire les textes de Heidegger peuvent l'aider à changer sa méthode de praticien, ou est-ce que c'est vraiment un intérêt purement théorique? Alors ça aussi, c'est une question très débattue. Bon, c'est clair que l'ambition de Binswanger, elle est théorique. Au départ, son ambition, c'est pas, en tout cas au début, c'est pas du tout de changer la pratique. C'est d'asseoir la connaissance psychiatrique sur des bases solides, de s'éloigner du naturalisme, au fond, et de comprendre autrement. Donc, comprendre, finalement, c'est une tâche théorique. Mais il n'a pas du tout l'ambition de changer sa pratique. Et d'ailleurs, c'est connu, beaucoup de psychiatres qui étaient impressionnés par ce courant-là se sont mis à aller faire des stages ou venir étudier à la clinique de Binswanger et étaient très déçus, justement, de sa pratique qui, elle, était du plus grand classicisme. Donc son ambition, à lui, c'est pas forcément de changer la pratique. Ensuite, bon, c'est sûr que quand on comprend différemment, probablement, on agit différemment. Mais le lien n'est pas direct chez Binswanger. Il veut pas modifier la pratique de la psychiatrie. Il veut essayer de mieux comprendre. Et il n'y a pas de programme préétabli. En réalité, c'est au fil de la lecture de Être et Temps, tel ou tel passage lui semble éclairant pour comprendre tel ou tel aspect de telle ou telle maladie psychiatrique. Mais d'autres psychiatres ou d'autres philosophes d'ailleurs, en lisant le même livre, disons qu'il y a toujours, par exemple, des psychiatres qui s'intéressent à la phénoménologie et qui, alors qui sont pas forcément connus du grand public, mais qui essayent de puiser chez Heidegger des concepts qui éclairent d'autres pathologies. Parce que, bon, Binswanger et puis toute la phénoménologie psychiatrique de cette époque-là s'est beaucoup intéressée aux psychoses et en a fait son objet d'étude privilégié. Mais la psychiatrie, ça se réduit pas à la psychose. Et donc, il y a plein de maladies ou d'aspects, disons, de la psychiatrie qui n'ont pas été traités par les grands auteurs de la phénoménologie psychiatrique et donc qui le sont maintenant. Et donc, chaque contributeur, eh bien, se saisit de tel ou tel ou tel aspect de Heidegger, par exemple, pour éclairer tel ou tel aspect de telle ou telle pathologie. Vous êtes philosophe et psychiatre, Camille Abétan. Est-ce que pour vous, d'avoir travaillé sur ces questions-là et sur ce courant-là, vous a été utile dans votre pratique de psychiatre ? Eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je ne pense pas qu'on puisse dire, voilà, étudier la phénoménologie psychiatrique, ça a tel et tel impact très précis sur la pratique, je ne fais plus ça, désormais je fais ça. Donc, ce n'est pas aussi direct. Après, c'est sûr qu'en en comprenant différemment, forcément, ça a un impact sur la pratique. Mais, en réalité, la compréhension, elle est différente à chaque malade. Donc, il n'y a pas de recette. On peut pas dire, voilà, la connaissance de la phénoménologie psychiatrique, ça va changer tel ou tel aspect. Mais, je pense que si j'avais pas étudié la phénoménologie psychiatrique, je serais pas le même psychiatre, probablement. Mais c'est très difficile de préciser en quoi. Oui, j'imagine, et pourtant c'est passionnant, parce qu'on, c'est vrai qu'on a envie de savoir exactement comment l'une se nourrit de l'autre. Et d'ailleurs, vous disiez que Heidegger lui-même n'était pas allé se nourrir de l'approche psychiatrique, mais il a accepté de venir participer à des conférences de Zurich auprès de psychiatres, notamment invité par son ami Médard Boss, pour faire écouter comment ces psychiatres-là s'étaient servis de son travail, enfin servis, en tout cas avaient puisé dans son travail pour nourrir leurs réflexions. Et il y a eu un échange qui était assez fructueux à ce moment-là, non ? Alors, fructueux, je sais pas. En tout cas, il a duré une dizaine d'années. Et c'est vrai qu'il l'a fait par amitié pour Médard Boss. Médard Boss, c'était donc un psychiatre qui lui aussi avait été très impressionné par la lecture de Être et Temps et qui, au contraire de Binswanger, hein, qui était un peu, enfin, disons qu'il est, la relation avec Heidegger n'était pas au beau fixe. Boss, par contre, est devenu un ami. Ils partaient en vacances ensemble. Et donc, il a proposé à Heidegger d'animer pendant une dizaine d'années ce séminaire dans sa maison en Suisse, auprès de psychiatres. Mais dans ces séminaires, finalement, il y est peu question de psychiatrie. Et ça, Heidegger, le dit à un moment dans ses séminaires, où il dit finalement, ce séminaire... Eh bien, un de ces problèmes, c'est que quand je parle, ça paraît très abstrait, très éloigné de la psychiatrie aux psychiatres, et quand eux me posent des questions concrètes, eh bien, on parle de choses auxquelles professionnellement je n'entends rien, il dit. Mm-hmm. Donc, voilà, il y a assez peu question de psychiatrie dans ces séminaires chez Heidegger. Et est-ce que vous pensez que ce courant qui a été créé ensuite a été fidèle en partie à la démarche de Heidegger? Heidegger est connu pour avoir affirmé que la science ne pensait pas par elle-même, qu'elle avait besoin de la philosophie pour penser la question, pour poser la question, pardon, de la démarche même qui relevait de la science. Et si on extrapole ce constat-là, on peut se dire que finalement, ce que font les psychiatres à ce moment-là, c'est une manière aussi de prendre acte de l'importance, voire même de la nécessité de l'approche philosophique pour mieux comprendre leur propre démarche. Oui, bon après c'est vrai que quand Heidegger disait ça, il parlait de la science en son aspect technique au fond, hein. Mais lui a toujours trouvé que ce que faisaient les psychiatres de son œuvre, et c'était une mécompréhension, en disant que lui, il reconnaissait pas du tout sa pensée dans l'utilisation qu'en ont fait les psychiatres et dans la Dasein Analyse, puisque pour lui, ce qui était au centre de tout, notamment de Être et Temps, c'était cette question de l'être, et que cette question de l'être, elle intéresse peu les psychiatres, voire pas du tout, et donc il reprochait aux psychiatres et notamment à Binswanger d'avoir fait une lecture anthropologique. Au fond, ils avaient lu Être et Temps comme un livre d'anthropologie philosophique qui décrivait qu'est-ce que c'est qu'un existant, qu'est-ce que c'est qu'une existence, comment s'organise le rapport qu'on a avec le monde qui nous entoure, avec l'espace, avec le temps, avec les autres. Or, pour ça, pour Heidegger, c'est pas du tout son centre d'intérêt principal. S'il a écrit là-dessus, c'était uniquement pour avancer dans sa question qu'il appelle question de l'être. Ce qui n'empêche pas. Il se reconnaissait pas du tout. Mais il n'y a pas que à l'égard de la psychiatrie, des psychiatres, qu'il a dénigré. Quand on lit par exemple la biographie de Gadamer, qu'a écrit Jean Grondin, donc Gadamer c'est un grand grand philosophe allemand qui a été l'élève de Heidegger, et pareil, Heidegger était assez médisant en fait sur Gadamer, donc bon, c'était une posture qu'il avait souvent vis-à-vis de que ça soit de ses élèves ou des gens qui s'étaient nourris de sa pensée. Ce qui n'empêche pas son ami, donc le psychiatre suisse Médard Boss, de lui envoyer une lettre. Alors une lettre vraiment d'amitié pour le 80e anniversaire de Heidegger, elle a été publiée en 1969, de lettre dans laquelle il loue l'investissement de Heidegger au sein de ces fameuses conférences de Zurich. Écoutez. L'idée que nous avons eue en commun des séminaires de Zurich est née de votre souhait d'apporter au mieux l'aide de votre pensée philosophique aux nombreuses personnes qui souffrent autant que moi du besoin d'un solide soutien pour la science médicale. Cela fait plus de 10 ans que ces réunions ont débuté. Jamais vous n'avez reculé devant la lourde charge de venir chez moi et d'y être mon hôte, 1, 2 ou 3 fois chaque semestre, pour apporter au meilleur de mes élèves et de mes collaborateurs une proximité un peu plus grande avec une pensée fondamentale pour laquelle ils étaient peu préparés en tant que psychiatres formés unilatéralement à l'école des sciences de la nature. Une douzaine de jeunes médecins suisses et d'anciens participants au séminaire venus de l'étranger vous sont aujourd'hui profondément reconnaissants pour la patience avec laquelle vous avez toujours de nouveau ébranlé la pesanteur de leur vision rétrécie par des œillères. Ce qui est palpable dans le cercle des psychiatres et des psychothérapeutes zurichois concernés, c'est la manière déterminante et durable avec laquelle votre activité d'enseignement a influencé le style et la forme de leur pratique médicale et lui a conféré un visage plus humain. Et quelle peine infinie vous vous êtes donnée pour amener seulement ces jeunes gens à bien se pénétrer du fait qu'une méditation philosophique sur les principes de leur science est pour eux en tant que médecins, et précisément pour eux qui ont affaire à l'être humain vivant, une présupposition indispensable à une scientificité vraie de la science médicale et tout autre chose qu'un pur et simple passe-temps, un jeu. On va revenir sur l'activité de manière plus précise de Médard-Boss, Camille Abétan. Mais dans ce texte, alors c'est vraiment l'éloge de Heidegger qui est dressé. Hein, votre activité d'enseignement a influencé le style et la forme de leur pratique médicale et lui a conféré un visage plus humain. C'est presque... Alors vous dites qu'Heidegger lui trouvait que finalement c'était un malentendu et que sa pensée était dénaturée. Comment on explique cette dissymétrie? Il y a une forme de... Oui, alors peut-être de zèle de la part de Médard-Boss, non? Ah oui, je crois qu'on peut dire ça. Médard-Boss, c'est vraiment la figure du disciple. Hein. Il était fasciné par Heidegger, par les écrits de Heidegger. Et donc, alors, ce qui est très révélateur, c'est que donc ils partaient en vacances ensemble. Une fois, ils vont en Sicile et bon, bah, ils sont en vacances, quoi. Alors, ils discutent et en fait, Médard-Boss note absolument tout ce que dit Heidegger et le retranscrit. Et ça, c'est justement dans le volume des séminaires de Zurich, hein, ces retranscriptions d'entretiens, de vacances. Et bon, bah, cette attitude, c'est assez symptomatique. C'est vrai que c'est vraiment un disciple. Il est fasciné par Heidegger, complètement fasciné. Mais ça a été le seul hein, à ce point-là. Médard-Boss développe ce qu'on appelait la thérapie existentielle, c'est ça? Alors, c'est vrai que Médard-Boss, lui, était persuadé qu'il y avait un intérêt direct pour la pratique de la psychiatrie, notamment pour la psychothérapie. Pour lui, il y avait une psychothérapie existentielle, quoi. En tout cas, il y avait une dimension psychothérapique directe de la Design Analysis. Et c'est une conception, en tout cas une idée, qu'il a transmise ensuite à ses élèves, qui sont majoritairement en Suisse, voilà, mais qu'on retrouve pas du tout, par exemple, chez Binswanger ou chez d'autres auteurs. En fait, même chez la plupart des auteurs de la psychiatrie phénoménologique, il y a une sorte de prudence hein, quand il s'agit de passer de la théorie à la pratique. Mais cette prudence-là, on la retrouve beaucoup moins chez Boss, qui lui était convaincu qu'il y avait un lien clair et direct et que donc il était évident qu'il y avait une thérapie Dasein analytique. Alors, quelle forme elle prenait cette thérapie existentielle? Eh ben, c'est pas très clair en fait, hein, parce que là encore, il s'agit jamais de directives très précises, mais le fond de l'idée, c'est de se dire que on doit être, alors ça, c'est des idées qu'on trouve un peu chez Heidegger, que au fond, un existant pour un autre doit être un partenaire, qu'on est toujours déjà en relation avec autrui, qu'on n'a pas une existence solitaire, et donc que au fond, il faut mettre au cœur de la relation ce lien fondamental avec autrui. Alors, bon, c'est difficile d'être contre cette idée-là, hein, évidemment. Oui. Mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ben, c'est assez difficile à préciser. C'est pour ça que pour beaucoup d'autres psychiatres, ça ne faisait pas beaucoup avancer les choses que de dire ça et que donc, il n'y avait pas vraiment de versant évident, thérapeutique, de la design d'analyse. Ça ne veut pas dire que, encore une fois, ça n'a pas d'influence, mais qu'il n'y a pas d'impact évident qu'on pourrait énoncer en trois phrases, quoi. Non, certainement pas en trois phrases, mais il prend des cas particuliers quand même. Il essaie de montrer comment l'interprétation, par exemple, d'un rêve, telle qu'il la propose, est très différente de celle que Freud proposait ou que Jung proposait. Ah oui, au niveau là. Oui, mais ça, c'est au niveau théorique, encore une fois. Oui, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste? C'est une compréhension alternative. C'est vrai qu'il y a une franche critique de la psychanalyse chez les psychiatres phénoménologues. Au départ, par exemple, Binswanger était très impressionné par Freud parce que lui, cherchait une voie d'accès au psychisme qui n'était pas une voie naturaliste et il pensait que Freud était celui qui incarnait cette révolution. Donc au départ, il était très proche et très admiratif. Et puis ensuite, il s'en est éloigné parce qu'il trouvait que finalement, effectivement, Freud prétendait se tenir à distance du naturalisme, mais qu'en réalité, les concepts qu'il utilisait étaient des concepts naturalistes puisqu'il parle d'appareils psychiques, il y a des fonctions psychiques, qu'il y a des niveaux d'énergie qui montent, qui descendent, et que finalement, tout ça paraissait une grosse machinerie, hein, comme il dit, c'est une machinerie, en fait, à Binswanger. Donc c'est pour ça qu'il récuse, enfin, en tout cas, il prend ses distances, disons, vis-à-vis de la psychanalyse, et qu'il fait autre chose, hein, qui va devenir la design analyse. Mais, pour autant, il ne va pas critiquer... il va le critiquer un peu puisqu'il n'est pas tout à fait d'accord avec lui, mais il va garder une relation cordiale avec Freud puisqu'il y a toute une correspondance hein, qui en témoigne. qui est accessible d'ailleurs en français. Et ça, c'est assez rare puisque Freud a gardé peu de relations cordiales sur à l'échelle d'une vie, quoi. Mais il en a gardé une avec Binswanger. Donc effectivement, qui lui-même avait fait sa thèse avec Carl Gustav Jung. Avec Jung, oui, exactement. Ouais, il avait fait sa thèse avec Jung. Donc c'est pas du tout des choses qui s'opposent, même s'il y a des différences. Mais donc effectivement, ils n'ont pas du tout, que ça soit enfin Boss ou Binswanger ou d'autres, la même attitude vis-à-vis du rêve. Ils n'en ont pas du tout la même compréhension. Mais ça, c'est encore une fois très théorique. Alors, on va prendre un cas particulier, parce que même si c'est théorique, on va essayer de comprendre. C'est quand même l'intérêt aussi de définir ce que c'est que cette approche et cette conception de la thérapie dite existentielle. On va prendre un cas particulier avec un extrait du film de Cronenberg, Dangerous Method, qui met face à face Jung d'un côté et Freud de l'autre, qui ne sont pas d'accord quant à l'interprétation à donner d'un rêve. Écoutons-les, et puis vous nous direz ensuite si on peut, si Médard Boss, qui lui-même considère que le rêve est ce qu'il est, qu'il montre ce qu'il montre et qu'il n'y a pas d'interprétation à faire de ce qui est donné, et bien que dirait-il de ce tel rêve ? I dreamed. Dans mon rêve, I dreamed about a horse. Il y avait un cheval qui était hissé par des câbles à une hauteur considérable. Suddenly a cable breaks and the horse is dashed. Tout à coup, un câble cède. Le cheval est précipité au sol. Il est indemne. Il se lève d'un bond et s'enfuit au galop, entravé seulement par un tronc assez lourd qu'il doit traîner au sol. Puis un cavalier, sur une petite monture, apparaît devant lui, le contraignant à ralentir. Un attelage est là aussi, devant le cavalier à petite monture. Et voilà notre cheval, obligé de ralentir encore plus. J'imagine que ce cheval, c'est vous. Yes. Your ambition has been frustrated. Vos aspirations ont pu être frustrées d'une certaine façon. Rider, slowing me down. Le cavalier qui me ralentit. I think this may refer to my wife's first pregnancy. Je crois qu'il peut symboliser la première grossesse de ma femme. J'ai quand même dû renoncer à un voyage en Amérique pour cela. The carriage in front. L'attelage devant lui. Perhaps alludes to dénote peut-être une certaine appréhension liée au fait que nos deux filles et d'autres enfants peut-être à venir vont m'empêcher d'avancer encore plus. Ce tronc. This log. Oui. I think perhaps you should entertain the possibility that it represents the penis. Vous devriez peut-être considérer la possibilité qu'il symbolise le pénis. Yes. In which case, what may be at issue is that a certain. Auquel cas il serait vraisemblable que cette contrainte de nature sexuelle soit provoquée par la peur d'une suite ininterrompue de grossesse. Je dois vous dire que si ce rêve provenait de l'un de mes patients, je lui répondrais sans doute que le nombre d'éléments restrictifs entourant ce malheureux caleçon sont un révélateur plausible du refoulement délibéré d'un puissant mais inconvenant désir. There is that as well. Certes. Camille Abétan, là, on est là à l'opposé des présupposés mis en œuvre par la design analyse, non ? Alors là, complètement à l'opposé. Alors dites-nous pourquoi. Mais parce que finalement, l'inconscient, le refoulement, ça c'est donc des notions qui étaient présentes dans l'extrait, ce sont des hypothèses faites par Freud, faites par les psychanalystes. Or justement, ce sont des hypothèses invérifiables. Et on a dit tout à l'heure que, disons que le mot d'ordre de la phénoménologie, et donc aussi de la phénoménologie psychiatrique, c'est de n'accepter pour vrai que ce qui se présente des choses dans l'expérience qu'on peut en faire. Mais on voit jamais le refoulement ou l'inconscient, vous voyez. Donc pourquoi faire cette hypothèse ? Pour Binswanger, pour Heidegger, il n'y a pas lieu de faire une telle hypothèse. Quand quelque chose n'est pas présent dans la conscience, il n'est pas refoulé, il est simplement absent, il n'est pas là. Il n'y a pas lieu de faire l'hypothèse invérifiable, ou en tout cas qui n'apparaît pas quand on regarde simplement les choses, que en réalité la chose qui n'apparaît pas à la conscience est en réalité présente mais refoulée, et donc elle est inconsciente. Non, si elle n'est pas là, elle n'est pas là. Et si elle est là, elle est là. Donc typiquement, voilà une différence de position, bon, vraiment caricaturale, hein, mais enfin avérée entre les design analystes, on va dire, et les psychanalystes. Mais que reste-t-il de l'analyse s'il n'y a plus d'inconscient, en fait ? Donc c'est très très différent. C'est une analyse sans inconscient. Ah, mais pas du tout. En fait, il y aurait un inconscient phénoménologique, et on peut travailler, d'ailleurs, il y a des gens qui ont travaillé dessus. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas là, n'est pas là. Donc il n'est pas dans le champ de la conscience, et puis ensuite il peut y venir. Mais il n'y a pas de refoulement, vous voyez. Mais en fait, l'analyse, analyse, c'est un terme, on le retrouve même en mathématiques, donc il n'a pas du tout d'exclusivité par rapport à la psychanalyse. Et au fond, si il parle de Dasein's analyse, les psychiatres phénoménologues, c'est parce que Heidegger, lui, dans toute la partie justement où il traite de l'existant, il appelle ça l'analytique existentielle. Donc lui-même, en fait, utilise le terme d'analytique, analyse, quoi. C'est justement, c'est simplement essayer d'analyser les choses. Analyser, c'est pas forcément le faire du point de vue de la psychanalyse. C'est le faire de n'importe quel point de vue. Donc Heidegger le fait du point de vue de la phénoménologie, il fait une analytique existentielle où il essaye d'expliquer quelles sont les structures qui gouvernent le mode d'être de l'homme. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec la psychanalyse. Et les design analystes, eux, abordent l'existant armé des outils là, structurels que leur fournit Heidegger. Voilà, donc, en fait, il faut vraiment voir dans ce terme d'analyse référence à la psychanalyse. C'est ça, c'est analyse au sens de ce que vous dites, de l'analytique contre... Oui, puis au sens du terme finalement assez courant d'analyse, quoi. Ce qui prête à confusion, c'est la filiation qu'il y a avec la psychanalyse. Je l'ai dit, Binswanger a travaillé avec Jung, ils ont été proches de Freud, c'est-à-dire qu'on pense que le courant de Dasein-analyse est le résultat de la rencontre entre Freud d'un côté et Heidegger de l'autre. Pas du tout, en réalité. Voilà. En réalité, pas du tout. Comme je vous l'ai dit, au départ, il a été vraiment intéressé par Freud, et ensuite, il a trouvé qu'en réalité, Freud avait été insuffisamment radical, et que, même s'il prétendait se distancier du naturalisme, en fait, tous les concepts qu'il employait étaient des concepts naturalistes. Et que ça, si on voulait vraiment... Disons que si on veut se distancier du naturalisme, il faut aussi se distancier de ses concepts. Et si on s'intéresse au psychisme ou à la conscience, eh bien, donc considérés comme des objets très particuliers, il faut aussi forger des concepts qui leur sont propres et qui ne sont pas ceux du naturalisme. Et pour Binswanger, ça, ce travail-là, Freud ne l'avait pas fait. Il a été insuffisamment radical. Alors après, c'est sa lecture, c'est évidemment sujet à débat. Mais c'est aussi la conception même de la psychiatrie qu'il faut revoir ici, parce que ce sont des psychiatres qui ont réfléchi à ce type d'analyse, au sens où vous venez de la définir. Et en même temps, là, il ne s'agit pas tellement de la psychiatrie telle qu'on l'entend aujourd'hui, de prise en charge de patients qui souffrent d'un mal dont ils n'arrivent pas à guérir. En fait, ce sont des gens qui s'intéressent à ce qu'est l'homme, encore une fois. C'est presque une approche plus philosophique que psychiatrique. Oui, mais en fait, je crois qu'il faut être assez pragmatique. Au fond, ce sont des gens, donc ce sont des psychiatres de terrain qui sont confrontés à des malades psychiatriques. Et donc, les malades psychiatriques, parfois, ça interroge. C'est-à-dire qu'on est confronté à des choses qui paraissent parfois dépourvues de sens ou déroutantes ou difficilement compréhensibles. Et donc, chacun essaye de se rattacher à ce qu'il peut pour essayer de comprendre un peu plus. Et donc, ces psychiatres-là, avaient l'impression de plus comprendre en lisant des philosophes. Donc c'est pour ça qu'ils s'y sont intéressés. Mais par contre, il y avait un temps pour tout, on va dire. Notamment, chez Binswanger, c'était très clair. La Dasein-analyse, c'était le temps où il était dans son bureau et qu'il essayait de réfléchir à des problèmes fondamentaux. Mm-hmm. Mais quand il s'agissait de traiter les gens, d'ailleurs, il le dit de façon très claire, quand il s'agit de faire des diagnostics, la seule chose qui vaille, c'est la psychiatrie clinique, c'est la clinique psychiatrique, quoi. Donc quand il s'agissait en pratique de s'occuper des gens, il fallait puiser dans les différents outils qu'on avait. Alors, des compréhensions alternatives offerte par la philosophie, c'est un outil, donc on ne va pas s'en priver, mais les médicaments, par exemple, qui commençaient à arriver dans les années 50, a priori, on pourrait se dire, c'est très éloigné du centre d'intérêt des Dasein-analystes, eh bien, Binswanger dit, il n'y a aucune raison de les dénigrer, et si ça peut être utile, très bien, utilisons-les aussi. Et il parlait aussi des techniques qui venaient, des techniques de thérapie, qui sont un peu l'ancêtre des thérapies cognitives et comportementales, qui venaient, donc des techniques cognitivistes, qui venaient des États-Unis, qui d'un point de vue théorique étaient très naïves, mais il disait, évidemment, d'un point de vue théorique, c'est très naïf, mais si en pratique, ça peut être d'une certaine utilité, eh bien là encore, servons-en nous, quoi. Donc finalement, c'était des gens assez pragmatiques. Dans les héritiers de cette rencontre entre phénoménologie et psychiatre, on a parlé de Heidegger, de Binswanger, de Médard Boss, on trouve un peu plus tardivement Henri Maldinet, philosophe, qui lui va procéder à des recherches expérimentales dans cette filiation? Alors expérimental, je ne sais pas si on peut dire ça, mais effectivement c'est un philosophe qui s'est beaucoup aussi intéressé au domaine de l'art et qui a beaucoup réfléchi sur la perception. Et alors lui aussi, il est très révélateur de ce que peut apporter la phénoménologie et la psychiatrie. Parce que, donc il travaille beaucoup sur le domaine de l'art, sur ce que c'est qu'une perception, comment on perçoit un tableau, notamment abstrait, ensuite il s'intéresse aussi beaucoup à la psychiatrie, et tout ce travail fait sur l'art et la perception lui permet d'apporter des clés de compréhension inédites de certains phénomènes psychiatriques difficiles à comprendre. Par exemple? Par exemple, l'hébéphrénie. Alors, bon, c'est une forme de schizophrénie qui est dominée par le retrait, parce que il n'y a pas que des schizophrènes qui hallucinent. Il y a aussi des schizophrènes qui n'hallucinent pas, qui sont très en retrait. C'est des symptômes négatifs. Donc, il y a une dimension qu'on dit autistique qui est très marquée. Et ça, c'est difficile à comprendre. Comment ça se fait que les gens se replient en eux? Alors, justement, longtemps, on a compris ce retrait sur un mode autistique, c'est-à-dire une absorption en soi, un retrait en soi. Et Binswanger le premier, mais ça a été beaucoup repris par Maldiney, qui a été plus loin encore, montre qu'en réalité le problème n'est pas un problème d'absorption en soi. L'hébéphrène n'est pas du tout absorbé en lui, au contraire, il est dépassé par le monde. Il dit au fond, il est dépassé par le monde, c'est-à-dire que c'est comme s'il était projeté dans le monde et qu'il n'arrivait pas à revenir à lui-même, qu'il collait, quoi. Il était complètement comme une sorte de fascination, une emprise, vous voyez, du monde qui s'exerce sur lui et qui fait qu'il ne peut pas revenir à lui-même et que ça le fige, en fait. Et alors, évidemment, c'est complètement le contre-pied de la compréhension classique où on a l'impression que cet hébéphrène est reclus en lui-même. Là, vous voyez, il est au contraire hyper exposé au monde à tel point qu'il ne peut pas revenir en lui-même. C'est l'inverse. Donc, c'est une compréhension totalement inédite de l'hébéphrénie qui est, à mon avis, extrêmement intéressante. Et qui, là, pour le coup, a des applications pratiques directes. Ben alors là, ça c'est une interprétation qui vous appartient, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça permet de comprendre totalement différemment. Pareil pour l'hallucination, il a une théorie très originale de l'hallucination, où il dit, bon, souvent on dit que c'est ce qui est l'hallucination, c'est ce qui est éminemment subjectif. Or, pour Maldiney, justement, c'est très étonnant de dire ça, parce que pour lui, l'hallucination, elle est au contraire hyper objective. C'est-à-dire que dans les perceptions les plus usuelles, il y a quelque chose sur quoi on se concentre et qu'on peut nommer. Hein. Il y a un objet, vous voyez, un stylo, un micro, par exemple. Mais autour de cet objet d'intérêt qui forme le centre de la perception, il y a tout un halo marginal, c'est-à-dire des perceptions qui ne sont pas remarquées, mais qui sont quand même présentes. Ça avait été notamment remarqué par Husserl. Or, donc ça, c'est la perception usuelle, normale. Or, justement, ce que Maldiney dit, c'est que l'hallucination, elle, eh bien, elle est dépourvue de ce halo marginal et qu'il n'y a dans la perception hallucinatoire qu'un objet et c'est tout. Et ça, c'est une perception très, très particulière qui ne représente pas du tout la perception usuelle. Et donc, elle est hyper objective pour lui. Il n'y a de place que pour l'objet dans l'hallucination. Et ce caractère hyper objectif, c'est tellement objectif que là encore, ça exerce une sorte de fascination, d'emprise sur la conscience de celui qui hallucine. Alors, là encore, vous voyez, c'est une interprétation, disons une façon très originale de rendre compte de l'hallucination. Et bien ça, c'est permis par tout le travail sur la perception fait par Husserl, que s'est réapproprié Maldiney, et par tout ce que lui a inspiré son travail sur la phénoménologie de l'art. Donc là encore, un exemple très concret de ce à quoi ça peut aboutir, le fait de lire les philosophes quand ensuite on s'intéresse à la psychiatrie. Et vous, je parlais de recherche expérimentale avec Maldiney parce qu'il proposait des expérimentations avec ses élèves, non? Il emmenait ses patients au ski dans l'idée que le blanc de la neige les stimulerait et réveillerait certaines choses en eux. Oui, mais alors ça, justement, ça s'est révélé très dangereux parce qu'effectivement, enthousiasmé par ses découvertes théoriques, il a voulu mettre en pratique rapidement, justement, lui, peut-être un peu trop rapidement, vous voyez peut-être un lien un peu trop direct, justement, et effectivement, il y a eu en tout cas des séjours à la neige qui ont été organisés, mais il y a peu de temps, un de ses élèves, Joël Bouderlic, a révélé dans un congrès, de façon très courageuse d'ailleurs, que ça s'était mal terminé en fait, que cet enthousiasme qui faisait qu'on voulait changer la psychiatrie, les modes de prise en charge, donc les schizophrènes avaient été emmenés, mais apparemment, ces schizophrènes ne devaient pas être très stabilisés, ou en tout cas, ce séjour, ça les a perturbés et il y a eu des suicides. Donc voilà pourquoi parfois il faut être prudent quand il s'agit de pratiques. Toujours que, d'ailleurs. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, il a voulu expérimenter, qu'il était persuadé que l'art-thérapie c'était extrêmement intéressant pour des raisons théoriques et que parfois son enthousiasme peut-être l'a amené à des propos un peu, alors à des actions peut-être peu prudentes ou à des propos un peu prudents là encore sur la mort subite du nourrisson, des choses comme ça. Qui sont aujourd'hui les héritiers de la Design Analyse, tant du côté des philosophes que des psychiatres? Alors, les héritiers. Alors, il y a eu une école. Alors, bon, du côté des philosophes, il y a l'école française de Dasein und Analyse, qui a un séminaire mensuel qui se réunit à l'école normale supérieure, et donc il y a un groupe de philosophes. Alors, ça a été Françoise d'Astur qui l'a présidé pendant longtemps. Maintenant, c'est Philippe Cabestan, et donc il y a un certain nombre de philosophes qui viennent très régulièrement, qui sont extrêmement intéressés par ça. Je vous parle de la France. Et au niveau de la psychiatrie, c'est un peu plus compliqué. Dans les années 70-80, il y avait des universitaires de psychiatrie, surtout dans le sud de la France. C'était l'héritage d'Arthur Tatossian, qui lui était professeur à Marseille et qui s'était énormément intéressé à la phénoménologie, qui a d'ailleurs fait beaucoup pour l'introduire en France. Et donc, il y avait des professeurs de psychiatrie phénoménologues. Bon, maintenant, ce lien avec le versant universitaire de la psychiatrie s'est quand même perdu. Et c'est vrai que, par exemple, au séminaire de l'école française de Dasein und Analyse, il y a essentiellement des psychiatres non universitaires, des psychiatres de secteur, etc., globalement. Donc, c'est finalement, vous voyez, des universitaires de philosophie s'y intéressent. Par contre, en psychiatrie, c'est plutôt des psychiatres de secteur. Pas forcément connus, mais qui sont extrêmement intéressés. Et vous êtes les deux, Camille Bétan. Oui, mais je suis ni universitaire en philosophie, ni en psychiatrie. Mais vous êtes l'auteur de Phénoménologie et psychiatrie, Heidegger, Binswanger et Maldinet, qu'on trouve aux éditions Vrin. Merci beaucoup d'être venu, enfin depuis Montpellier, nous initier à cette Dasein und Analyse. Avec plaisir. On se quitte avec Joël Sternheimer, un physicien et chercheur français connu dans les années 60 comme chanteur, mieux connu sous le nom d'Évariste, qui chante Pomme de Lune. Quitter la terre, je veux découvrir d'autres sphères, partir dans l'infini où brillent les fleurs de la nuit. Je veux aller sur la lune, goûter les pommes de lune. Je veux aller sur Neptune pour y faire une fortune. Je veux aller sur Pluton pour y chanter mes chansons. Je veux aller sur la lune. Je veux m'évader loin de cette planète. Je veux aller m'abreuver dans l'eau d'une comète. Je veux aller sur Andromède, brûler les feux qui m'obsèdent, ou jouer de la guitare au clair d'un quasar. Je veux aller sur la lune, goûter les pommes de lune. Je veux aller sur la lune pour goûter les pommes de lune. Je veux entendre la musique que jouent les rayons cosmiques. Déjà je rêve au jour où céleste troubadour. J'atteindrai fébrile la singularité de Schwarzschild. Oh, que vais-je découvrir? Les cieux vont-ils s'ouvrir? Pourrais-je y pénétrer, tel autrefois Orphée? Aurais-je atteint le paradis où les anges ont logis? Je veux quitter la terre, je veux découvrir d'autres sphères. Partir dans l'infini, où brillent les fleurs de la nuit. Je veux aller sur la lune. France Culture, les chemins de la philosophie, il est grand temps de retrouver Anastasia Colosimo pour son journal de la philo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Eh bien, si on est là pour philosopher, bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre édité par Le Passeur, qui va sortir le 3 janvier 2019 en librairie et qui mérite d'être acheté et lu sur le champ. L'auteur d'abord, il s'agit de Gilles Verviche, agrégé de philosophie et enseignant dans un lycée de la région parisienne, auteur de plusieurs excellents ouvrages, dont Star Wars, la philo contre-attaque, toujours chez Le Passeur. Le titre du nouveau livre ensuite, Peut-on réussir sans effort ni aucun talent? Les mirages du mérite. Je crois pouvoir dire, en mon nom, mais aussi au nom de pas mal de personnes dans ce monde, que les jours où on se dit qu'on n'a pas de talent, On se dit qu'on compensera par le travail et que les jours où l'on ne travaille pas, on essaie de se rassurer en se disant qu'on serait sauvé si seulement on avait un peu de talent. Mais alors, réussir sans aucun talent et sans aucun effort, voilà qui paraît parfaitement impossible. D'ailleurs, en découvrant le titre de cet ouvrage, j'ai immédiatement pensé à cette scène du film Le Spunt de Marcel Pagnol, où Irénée Fabre, jouée par Fernandel, se prend un savon de la part de son oncle, joué par Fernand Charpin. J'ai tant d'espérer qu'un jour tu comprendras qu'il faut travailler pour vivre, et que le métier d'épicier est aussi honnête que l'autre, et qu'un grand galabard de 25 ans pourrait fort bien aider son oncle, oncle qui l'a recueilli, qui l'a nourri, et qui continue à le nourrir en s'esquintant le tempérament. Oh, je vois clairement où tu veux en venir. Tu vas encore me dire que je suis un bon à rien. Oh, que non. Bon à rien, mais ce serait encore pas pire. Tu n'es pas bon à rien, tu es mauvais à tout. Je ne sais pas si tu me saisis, mais moi, je me comprends. Tu n'es pas bon à rien, tu es mauvais à tout. Eh bien, cher Irénée Fabre, il a fallu attendre un peu, mais Gilles Verviche a la solution. Ou plutôt la réflexion nécessaire qui permet de faire voler en éclats ce fameux mirage du mérite, cette idée à laquelle Verviche s'attaque dès son introduction. Si tu es pauvre, c'est de ta faute, c'est que tu ne t'es pas assez battu. D'où vient d'ailleurs cette notion de mérite? Celle qui a pu pousser Emmanuel Macron à dire lors de l'inauguration de la station F « Une gare, c'est un lieu où l'on croise des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien ». Ou encore celle qui a fait dire à Steve Jobs « Je suis convaincu que la moitié de ce qui sépare les entrepreneurs qui réussissent de ceux qui échouent est la pure persévérance ». D'où vient cette idée que c'est la seule volonté, le seul effort qui permettent de réussir, étant entendu que ceux qui échouent ne se sont tout simplement pas donné tous les moyens pour réussir. Les exemples dans le panthéon des héros contemporains ne manquent pas. Ils s'appellent Ralph Lauren, Henry Ford, Walt Disney, J.K. Rowling ou encore Elon Musk et j'en passe. Ils sont partis de rien et ont connu une ascension fulgurante. Cette vision du monde correspond, pour Gilles Verviche, au triomphe de l'éthique du capitalisme qui, à la manière d'une compétition sportive, discrimine la société entre les gagnants et les perdants, estimant que les uns et les autres méritent tout à fait leur place. Bien sûr, la croyance au mérite peut apparaître comme utile et juste parce qu'elle donne aux individus l'espoir que tout est possible et qu'elle leur permet d'agir en faisant abstraction de leurs origines sociales, ethniques et religieuses. Mais cette croyance ne peut faire fi de la réalité, qui est que tout le monde ne part pas avec les mêmes chances de réussite, loin de là. Et d'ailleurs, quelle est cette réussite dont tout le monde parle sans arrêt? Celle professée par les évangélistes du développement personnel qui pensent qu'il ne faut rien laisser au hasard, se concentrer sur sa vie professionnelle et gérer tout le reste, les relations amoureuses, amicales et familiales, sur un même mode d'efficacité et de rationalité. On est bien loin des distinctions opérées en son temps par Aristote, qui distinguait au moins trois genres de vie selon les buts recherchés. La vie tournée vers la simple recherche du plaisir, celle tournée vers la vie politique, souvent plus motivée par l'ambition du pouvoir que par l'intérêt général, et enfin, la vie contemplative, le meilleur genre de vie selon Aristote, et de toutes les vies, la plus réussie parce qu'elle ne dépend que de moi, et non pas des éléments qui me sont extérieurs. Après tout, notre panthéon n'est-il pas aussi fait de ratés sublimes comme Van Gogh, Vermeer, Edgar Allan Poe, et là encore j'en passe? À grand renfort de philosophes, comme John Stuart Mill, Marx, Kant, Weber, de faits historiques, de personnages de fiction d'hier et d'aujourd'hui et de brèves d'actualité, Gilles Verviche déconstruit tous les préjugés de notre époque sur la réussite et le mérite, qui ne reposeraient que sur l'effort et le talent. Il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous. Triste image de l'humanité que celle qui glorifie ceux qui se félicitent de ne rien devoir à personne. Merci beaucoup Anastasia, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Sharon Nouri qui a préparé cette émission avec Anaïs Isbert, Colomba Grossi, Isis Jourda, Marie Simon, Géraldine Mosna-Savoie. C'est Thomas Beau qui réalise cette semaine avec aujourd'hui Ludovic Auger à la prise de son et Vincent Schmitt à la lecture des textes. On se retrouve demain à l'occasion des chemins du vendredi, un nouveau Profession Philosophe qui vous emmène chaque vendredi à la rencontre de ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. Demain, nous serons en compagnie de Catherine Malabou, philosophe de la plasticité. Mais oui, vous découvrirez tout ça demain à 10h. D'ici là, pour écouter cette série sur la psychiatrie, sachez que c'est très simple, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des chemins de la philosophie. Vous pourrez écouter chaque émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster pour la garder aussi longtemps que vous voulez et l'écouter avec qui vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux Twitter, Facebook, Instagram où nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain à 10h. Nous, on y sera, on espère que vous aussi. En tout cas, d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.